Elle m'a pas donné son Snapchat. Ce soir il faudra que je l'épate. Je l'ai accosté quand j'étais rapate. Je crois qu'elle a senti la patate. Dans la soirée quand je l'ai regardé. Excuse-moi ma chérie, dis-moi comment t'appelles. T'as un joli prénom enchanté. J'aimerais savoir dans la vie qu'est-ce que tu fais. Ça dépend des jours pour me faire des sous. Je fais la nounou quand parfois je sors des coups. Ouais j'avoue c'est un peu relou. Ça me prend le chou et les gosses ils jouent les fous. Je lui demande qui est son petit copain. Elle me répond qu'elle ne n'y pense même pas. Elle me sourit et trouve que je suis trop coquin. Et là sur le coup je viens de marquer. Et là j'ai pris la confiance, j'ai sorti mon phone. Je l'ai pointé vers elle, s'il te plaît peux-tu me mettre ton Snapchat. Elle m'a regardé puis m'a méprisé. Tu m'as pris pour qui? Non mais oh je ne suis pas comme ça. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle m'a refusé son Snapchat. Là franchement ça m'a mis une claque. Elle a cramé tout mon micmac. Elle m'a trouvé trop charo. Donc Zarma d'après toi tu m'as recalé. Tu m'as pris pour un bouffon sur ma tête. Elle me dit qu'en ce moment elle n'est pas calée. Et qu'elle ne veut pas trop se prendre la tête. Elle m'a cheaté. Je l'ai fixé. Franchement tu fais pitié. Je suis pas comme les autres, t'es matrixé. Non attends c'est bon. D'un coup elle me reconnaît. C'est pas toi qui fais du son. Je t'ai déjà vu dans gros bonnet. M'as-tu dit charo sapé comme jamais. Oui bien sûr c'est moi, tu me reconnais. J'ai cramé ton flow, je vois de quel genre t'es. Je sais qu'on va s'entendre, j'ai de la monnaie. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat. Elle veut pas donner son Snapchat.